Dans un nouveau temps de la matinale des droits et libertés, on plonge aujourd'hui dans un sujet qui nous concerne toutes et tous. La liberté d'expression en ligne, faut-il la restreindre davantage ? Entre harcèlement, fake news, censure, contenu violent et débats politiques, les réseaux sociaux sont devenus un espace à la fois puissant, fragile et parfois explosif. Pour en discuter, nous avons deux invités. Sacha, qui pense qu'il faut mieux encadrer certaines dérives, et Samuela, qui rappelle que restreindre une liberté peut être dangereux. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, Samuela, qu'appelle-t-on exactement liberté d'expression ? Tout d'abord, la liberté d'expression, c'est le droit d'exprimer ses idées, de critiquer, de débattre, sans aucune censure de l'État. C'est un droit fondamental garanti par la Déclaration des droits de l'homme et par la Convention européenne. Mais ce n'est pas une liberté totale. En France, depuis la loi de 1881, on ne peut pas insulter, menacer ou inciter à la haine. Et sur les réseaux sociaux, ces limites prennent encore plus d'importance car tout se diffuse très vite. Sacha, vous défendez l'idée que certaines limites supplémentaires sont nécessaires. Pourquoi ? D'abord, pour protéger les victimes, harcèlement, insultes, menaces, ça peut briser une personne. Ensuite, pour combattre la haine, racisme, homophobie, appel à la violence. Il y a aussi la démocratie. Pendant les élections, les fake news peuvent manipuler l'opinion. Et puis la protection des mineurs, certains contenus choquants peuvent les traumatiser. Enfin, la sécurité nationale, il faut empêcher les appels au terrorisme. En bref, il faut intervenir quand les paroles deviennent dangereuses. Samuela, vous dites qu'il faut rester vigilant afin de restreindre davantage. Pourquoi cela ? Oui, parce qu'une restriction excessive peut nous amener vers la censure. Et la question devient, qui décide de ce qui est acceptable ? L'État ? Les plateformes privées ? Et il y a aussi l'effet de peur. Si les gens ont peur de s'exprimer, on perd le débat démocratique. Les erreurs de modération sont fréquentes. Un contenu humoristique, artistique ou critique peut être supprimé par erreur. Et puis le problème du pouvoir des plateformes. Quelques entreprises contrôlent une très grande partie de l'espace public numérique. Enfin, il faut préserver la liberté de débattre, même pour les idées controversées. Merci Samuela. Sacha, revenons au cadre juridique. Quelles sont les lois qui encadrent déjà la liberté d'expression en ligne ? La loi de 1881 protège la liberté d'expression, mais interdit la diffamation et les propos haineux. En 2018, une loi contre la manipulation de l'information a été adoptée pour lutter contre les fake news. La loi Avia, en 2020, voulait obliger les plateformes à retirer très rapidement les contenus haineux, mais elle a été en partie censurée car elle risquait d'aller trop loin. Au niveau européen, le Digital Services Act, le DSA, impose plus de transparence et une meilleure gestion des contenus illégaux. L'objectif est simple, protéger sans basculer dans la censure automatique. Samuela, vous proposez plusieurs pistes pour concilier liberté et sécurité. Lesquelles sont-elles ? Tout d'abord, interdire clairement les contenus illégaux, menaces, haine, terrorisme, pédopornographie. Ensuite, offrir un droit de recours aux utilisateurs pour contester la suppression d'un contenu. Les plateformes doivent être plus transparentes. Expliquer pourquoi un message est retiré. Il faut aussi éduquer les jeunes, repérer les fake news, apprendre à débattre, comprendre le fonctionnement des algorithmes. Et enfin, partager la responsabilité entre les lois, les plateformes, les écoles, les familles et la société civile. Ce qu'on retient, c'est que la liberté d'expression est un droit fondamental, mais que l'espace numérique peut devenir dangereux sans règle. L'enjeu, c'est de trouver l'équilibre. Protéger sans museler, encadrer sans censurer, responsabiliser sans étouffer le débat public.